Jean Bosco, Douiman. Bonsoir à tous et bienvenue à cette dernière édition du journal Parler en français en son 11 octobre 2017. Et on voici tout de suite les grandes articulations. L'enlèvement des déchets ménagers devient de plus en plus problématique dans la capitale Bujumbura. Les différents services se rejettent la responsabilité dans cette tâche. Et de quoi interpeller la réaction du président de l'organisation Parsem et le sénateur et ancien président de la République, Sylvestre Niwanungagna. Des responsables collinaires ont été arrêtés hier pour non-assistance à personne en danger après la mort de 6 personnes d'une même famille sur la colline Ergueya de la commune Bouhiga en province de Karouzi. Notre correspondant nous le dira dès le début de ce journal. Et le premier défi auquel font face les filles, ce sont les grossesses non désirées. C'est ce qu'a déclaré la chargée de la communication à l'Association des guides du Burundi en ce 11 octobre, dédié à la fille au niveau mondial. Et en actualité sous-régionale, le Kenya entre dans une impasse politique. Après le retrait de l'opposant Raila Odinga du nouveau scrutin prévu le 26 octobre prochain, la Cour suprême, qui avait invalidé la première élection, a ordonné à la commission électorale d'inclure un troisième candidat, membre de la coalition de l'opposition pour la reprise du scrutin présidentiel. C'est dans 2 semaines. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Certains responsables administratifs de la colline Ergueya de la commune Bouhiga en province Karoussi sont au cachot depuis ce mardi. La police les accuse de non-assistance à personne en danger pour n'avoir rien entrepris afin d'empêcher une tuerie qui a emporté 6 personnes d'une même famille sur cette colline, comme l'affirme le gouverneur de cette province de Karoussi ainsi que l'administrateur communal de Bouhiga. Les détails dans cette correspondance de Blaise Pascal Kararoumiye. Ces responsables de la colline Ergueya de la commune Bouhiga, province Karoussi, sont au cachot de la zone et commune Bouhiga depuis ce mardi soir. Les personnes emprisonnées sont au nombre de 7, dont 5 responsables de cette colline, et plus particulièrement celle de la sous-colline Butanda, où a eu lieu la tuerie de 6 personnes d'une même famille et incendie de 11 maisons. Toutes ces personnes arrêtées sont accusées de la non-assistance à des personnes en danger, comme l'indique la police. Leur arrestation est donc conséquente de cette tuerie de ces 6 personnes de cette sous-colline, tuerie et incendie de ces maisons, dont le présumé coupable Dino de Jean-Claude Ndirandekura a été retrouvé. Son corps suspendu sur un arbre arrêté d'une corde à une autre colline de Magamba qui est frontalière de Ergueya. La police confirme que le forfait a été exécuté pendant plus de 2 heures à partir de 18h30. Le gouverneur de la province, l'administrateur communal et les responsables de la police suspectent la sorcellerie comme mobile qui sous-tend cette tuerie de 7 personnes et incendie de 11 maisons. Ils indiquent que les enquêtes ont déjà débuté pour qu'il y ait de la lumière. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumiye pour Radio Isanganiro. Merci Blaise. Justice toujours, le porte-parole de la Cour suprême Agnès Wangiri Tshenge confirme avoir reçu la lettre de demande de radiation définitive du parti MSD, Mouvement pour la solidarité et la démocratie. Elle indique que pour que cette demande du ministère de l'Intérieur soit effective, cette institution judiciaire doit d'abord statuer sur le fond de l'affaire. Wangiri Tshenge dit néanmoins que le dossier n'est pas complet pour être analysé. Il y a à peu près 2 mois, le ministre de l'Intérieur, Pascal Barandagué, avait envoyé une lettre au président de la Cour suprême pour demander la radiation du parti MSD après 6 mois de suspension. Je vous l'avais dit dans les titres, l'organisation Parole et Action pour le changement des mentalités et le réveil des consciences Parsem appelle le chef du gouvernement d'intervenir pour mettre fin aux tergiversations entre la mairie de Bujumbura et les services techniques municipaux sur la gestion des immondices et des déchets ménagers dans la capitale Bujumbura. Dans un point de presse ce mercredi, le président de la Parsem a conseillé l'autorité suprême à utiliser les services techniques habilités pour clarifier cette affaire et, au cas échéant, de punir toute autorité qui aurait passé outre les règles d'usage. Joseph Sabiavandi pour les détails. L'organisation Parsem estime que des intérêts des individus sont à l'origine de la paralysie des activités d'enlèvement des immondices et des déchets ménagers dans la capitale Bujumbura. Faustin Dikoumana, président de cette organisation, appelle le gouvernement à intervenir pour mettre fin aux tergiversations entre la mairie et les CTMU. Il y a la CTMU, il y a la mairie. Là, on constate que ce sont des intérêts cachés des uns des autres. Le gouvernement devrait alors prendre ses responsabilités. Mettre hors d'état de nuire les gens qui veulent toujours défendre l'intérêt caché au détriment de l'intérêt général et du citoyen. On voudrait plutôt même inviter tous ces gens qui se sont méconduit par rapport à la gestion de cette procédure, qu'elle soit sanctionnée. Allez même chercher à connaître peut-être les propriétaires privés de ces entreprises qui s'arrogent le droit de se procurer un monopole, alors que la loi est assez claire au niveau de la gestion des marchés publics. Parce qu'on doit dire, d'abord le secteur des services municipaux de collecte des déchets, c'est un secteur où l'intervention de l'État est légitime. C'est le secteur public qui doit d'abord rendre ses services accessibles aux citoyens. Selon toujours le président de la PARSEM, trouver une solution efficace au problème de gestion des déchets ménagers dans la capitale Bujumbura s'avère urgent, une responsabilité qui incombe au gouvernement, d'après toujours Faustin Dikoumana. C'est inadmissible dans un pays qui se paupérise comme ça, que des gens continuent à vouloir défendre bien qu'ils ont des intérêts égoïstes, inavoués. Il faut que le gouvernement intervienne dans sa solidarité pour trouver solution rapidement et éviter ces divergences. Pour l'intérêt, je précise, supérieur des citoyens. On a des institutions hiérarchisées. Au sommet, il y a un gouvernement à la tête duquel un président de la République et deux vice-présidents qui doivent agir, qui ont la légitimité pour agir. Donc, on ne devrait pas faire de tergiversation. Il faut se réunir pour trouver une solution efficace. Le président de la PARSEM intervient après que la gestion des déchets ménagers soit devenue une question casse-tête à Bujumbura et la mairie et les CTMU ne cessent de se jeter le tort. Joseph Nsabi Yabandi, c'est regrettable de voir les ménages de la capitale Bujumbura débordés par les déchets ménagers alors qu'il y a des services techniques de la mairie en charge de cette question. Le sénateur et ancien chef de l'État, Sylvestre Ntibantunganya, l'a dit après la décision de la mairie de Bujumbura de retirer l'enlèvement de ces déchets ménagers des attributions de ces services techniques. Le président Sylvestre Ntibantunganya demande aux concernés de se ressaisir, tout en s'inquiétant qu'une société privée récemment recrutée par la mairie pour dégager ces déchets le fait au ralenti. Suivez le président Sylvestre Ntibantunganya. Il y a une association qui s'est présentée et qui nous a proposé des services pour le dégagement des déchets ménagers. Et nous avons conclu un contrat avec eux. Ils se sont régulièrement acquittés et de manière très satisfaisante de leurs engagements. Mais depuis qu'il y a eu cette décision qui a été prise au niveau de la mairie, arrêtant ces associations, nous vivons pratiquement sans qu'il y ait un service qui dégage ces déchets. Et les nouvelles structures dont on avait parlé et n'ont jamais posé leurs pieds ici. Ce qui fait que nous avons des inquiétudes. Et j'espère qu'il y aura très rapidement une solution, une réponse. En tout cas, je suis complètement dérouté quand j'entends les discussions qui se mènent entre les services de la mairie de Bujumbura, les CTMU et même le ministère délégué à la présidence de la République chargé, je crois, de la bonne gouvernance. Alors je me pose une question. Est-ce qu'ils croient que nous avons beaucoup besoin de les polémiques ou plutôt d'une solution à cette grave question qui se pose? Parce que c'est une question de salubrité, une des responsabilités justement et de ce qui gère des ensembles comme c'est devait justement à la salubrité pour ne pas contraindre les populations qui vivent à subir le risque de maladie. Jusqu'à présent, je ne me plaignais pas des services rendus par cette association qui venait ici. Est-ce qu'il faudrait les mettre dans le droit? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le service rendu. Comme il rendait très convenablement ce service, j'en étais satisfait et je demandais qu'il soit établi, tout simplement. Ou alors qu'il y ait d'autres mécanismes qui soient convaincants et qui soient autant efficaces et que nous l'avions constaté pour ceux qui faisaient ce travail avant. Nous avons besoin d'efficacité. Parce que quand on a décidé de les remplacer, ok, bon, je ne sais pas si ça fait d'aller dans les meilleures conditions parce que je sais aussi qu'il y a eu des plaintes qui ont été introduites chez l'Ombudsman de la République de Burundi. Alors, mais maintenant, ce que je constate tout au moins ici chez moi, c'est qu'il n'y a pas d'association, il n'y a pas de structure qui vient retirer les déchets ménagers ici. C'était le président Sylvestre Ntibantunganya. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le 11 octobre de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale dédiée à la fille. Au sein de l'Association des guides du Burundi, on fait savoir que les grossesses non désirées constituent un défi auquel font face les filles burundaises. Divine Tuyisenge, chargée de la communication au sein de cette organisation, invite les filles à démontrer leurs capacités et au gouvernement d'œuvrer en vue de rehausser le niveau de développement de la fille. Suivez-la. pourquoi la journée internationale de la fille, c'est que l'histoire de la fille a été une histoire qui n'est pas comme les autres, parce que autrefois les filles, elles étaient sous-estimées et n'allaient pas à l'école et elles avaient comme métier tous travaux ménagers. Mais quand même, le temps évolue. On a évolué. Ils ont trouvé que c'était mieux de célébrer cette journée internationale dédiée à la fille pour que la fille puisse voir à elle-même qu'elle peut se développer, pour que le monde puisse voir que même la fille a un apport à donner à la société, à donner à son pays, à donner au monde entier. Quels sont les défis que rencontre la fille au cours de sa vie, au cours de sa scolarité, au cours de son développement. À l'école, une fille peut tomber enceinte alors qu'elle ne le voulait pas, elle ne le désirait pas. Elle est obligée de suspendre les études. Elle va porter son enfant pendant 9 mois, elle va allaiter son enfant. Ça va lui coûter du temps, alors que le garçon, lui, il est en train de poursuivre ses études. Ce sont les défis majeurs. Et puis un autre problème, c'est que les filles peuvent aussi à elles-mêmes se sous-estimer. Donc il y a même des filles, même si le gouvernement essaie de tout faire pour leur aider, leur soutenir, même s'il y a aussi des associations, des organisations qui essayent de soutenir les filles dans leur éducation, il y a des filles qui continuent à se sous-estimer. Il y a des filles qui croient jusqu'à maintenant que les études c'est pour les garçons. Il n'y a pas de fille qui peut être médecin, qui peut être ministre. Quelle est la paix que vous lancez à l'endroit des filles et à l'endroit des différents partenaires? À l'endroit des filles, j'encouragerai toutes filles. Je souhaite d'abord bonne fête à toutes les filles. Et encore, j'encourage à toutes les filles d'étudier, de chercher à se développer, parce qu'on peut aussi faire quelque chose. On est aussi capable de faire quelque chose. On peut devenir ministre, on peut devenir président de la République, on peut être journaliste, on peut être médecin, on peut être beaucoup de choses. Donc, et aussi, je lance un appel à l'État d'essayer de voir quelles sont les causes qui entraînent à ce que, même s'il essaie de tout faire pour que tout le monde soit à l'école, qu'est-ce qui fait qu'il y a des filles qui continuent à se sous-estimer, qui continuent à abandonner les études. Divine Tuyiseng est chargée de la communication à l'Association des guides du Burundi. De son côté, Bertil Bumwe, psychologue à l'Association des femmes burundaises pour la lutte contre le sida et le paludisme, conseille aux parents de cesser de marier leurs filles précocement. Elle demande aussi au gouvernement de mettre en place des sanctions contre toute personne impliquée dans de tels mariages précoces de jeunes filles. Suivez-la. Le cas des mariages précoces ici au Burundi, ça existe. Les preuves sont que dans notre association, bien sûr, toujours, nous faisons des groupes de parole. Nous avons un temps où des groupements de femmes, des groupements de filles, ça dépend de l'âge, se regroupent ensemble pour parler d'un thème précis. Durant le mois d'août, nous avons fait des groupes de parole avec les parents, avec les filles elles-mêmes, sur la question des mariages précoces. Si ça existe, nous avons fait une petite enquête dans les quartiers Kamenge, Kinahama, Chibitoke. Nous avons trouvé que ces cas existent. Je donnerai comme des chiffres 27,5% des filles qui sont mariées avant 18 ans et des 6,8% des filles qui sont mariées avant l'âge de 15 ans. Je dirais que c'est dans les deux camps, filles, parents. Il y a des cas où la responsabilité revient aux parents. Ce sont des cas de mariage forcé. Donc, les parents ont une grande responsabilité envers leurs enfants. C'est à eux de faire de tout leur mieux, malgré la pauvreté qui est là, de tout faire pour que la fille ne soit pas une victime d'un mariage précoce ou forcé. Et dans l'autre camp, les jeunes filles devraient, je dirais, être vigilantes. D'où l'importance d'être éduquées, de poursuivre leurs études. Je demande aussi au gouvernement de faire des punitions pour les parents qui marient leurs enfants avant l'âge, qui forcent leurs enfants de se marier précocement. Bertil Bumwe, psychologue à l'Association des femmes burundaises pour la lutte contre le sida et le paludisme. Les gens devraient faire assurer leurs biens pour qu'ils soient indemnisés en cas de sinistre. L'appel est lancé par Jobert Irambona, c'est le directeur commercial à la société d'assurance UCAR. Pour lui, l'une des causes qui font que les gens ne fassent couvrir leurs biens par des assurances est qu'ils estiment que les coûts des services des assureurs sont trop élevés alors que ce n'est pas le cas. Il le dit après le constat que les cas de maisons qui prennent feu sont devenus récurrents. Le problème qu'on rencontre, c'est que très peu de gens ont confiance la probabilité de se faire rembourser, mais aussi par le fait que certaines assurances ne sont pas obligatoires. Vous voyez, quand vous avez des véhicules qui sont obligés d'avoir une assurance ou avec un risque d'être arrêté par la police, c'est pour cette raison qu'ils viennent prendre l'assurance, mais alors que c'est une raison pour vous protéger vous-même, vous et vos biens. Donc les gens ne comprennent pas la nécessité de l'assurance, mais ils la comprennent seulement en cas de problème, et quand ça traîne, ça revient directement à l'assureur. Donc nous avons un problème de conscientisation des besoins en assurance. Par exemple, les assurances incendie. L'assurance incendie, c'est un produit très, très abordable pour toute la masse. Donc c'est une possibilité et d'avoir une bonne assurance pour une assurance incendie qui va vous couvrir bien et vous faire rembourser en cas de ce sinistre. Auriez-vous les chiffres des gens ou des sociétés qui ont fait couvrir par les assurances leurs biens ou les voitures, et que ce soit ici à Bujumbura ou à l'intérieur du pays? Il y a des études qui ont été menées par l'Agence de régulation et de contrôle des assurances. Malheureusement, je n'ai pas exactement les chiffres, mais le pourcentage des gens assurés est très bas, pour la simple raison que, par exemple, les gens qui ont des voitures au Burundi sont minimes par rapport à la population. Les gens qui sont couverts en assurance maladie ou en protection sociale, quelle que soit la population qui bénéficie de ce genre de couverture, est très basse. Donc, il y a toujours grand nombre de personnes qui ne sont pas couvertes au Burundi. Parmi les raisons qui poussent les gens à ne pas faire couvrir leurs biens, il y a ceux qui disent que les assureurs ne remboursent pas à temps les victimes de certains sinistres. Et pourquoi? Nous sommes prêts à indemniser les personnes qui ont connu des sinistres, mais nous nous heurtons à des procédures qui doivent être respectées. Et ces procédures, peut-être, quelquefois ne sont pas au goût de la personne ou bien ne sont pas très bien expliquées par les agents. Mais il y a des procédures qui doivent être respectées pour une indemnisation. Jobert Irambona, directeur commercial à la société d'assurance UCAR, au micro d'Aubin Niyonkuru. Et pour terminer l'actualité nationale, l'Afrique subsaharienne a connu une croissance économique en général en 2017 comparativement à l'année 2016. Mais cette croissance reste modeste par rapport aux prévisions de la Banque mondiale sur l'année 2017. Cela a été dit par Albert Zefak, économiste en chef à la Banque mondiale pour l'Afrique. Il l'a dit ce 11 octobre 2017 dans une téléconférence qu'il a animée sur le rapport de la croissance économique pour l'Afrique subsaharienne produit par Africa Pulse. Albert Zevac précise en outre qu'une jeunesse instruite constitue un atout, mais celle non instruite constitue un handicap à la croissance économique d'un pays. Sans transition, une nouvelle brève, et c'est pour parler du Kenya. Après le retrait de l'opposant Raila Odinga du nouveau scrutin prévu le 26 octobre, y aura-t-il une élection quand même, ou bien Uhuru Kenyatta peut-il être déclaré président comme le prétend le camp du parti au pouvoir? Les spécialistes de la constitution et du droit se déchiraient sur cette question dès l'annonce fracassante de Raila Odinga mardi 10 octobre. C'était hier. Un nouveau processus électoral sera-t-il donc lancé? D'après les juristes, c'est ce que prévoit un arrêt de la Cour suprême de 2013. Tout retrait d'un des deux candidats avant le déroulement d'un nouveau scrutin entraîne l'organisation d'une nouvelle élection. Et tout reprendre depuis le début et nommer de nouveaux candidats dans les 90 jours, cela repousserait à l'échéance électorale à janvier 2018. Et l'opposition en profite pour appeler à profiter de cette période pour poursuivre les manifestations appelant à une réforme de la commission électorale. En point d'interrogation et pas des moindres, le 1er novembre prochain expirent les pouvoirs du président en exercice et la loi kenyane ne prévoit rien dans le cas où aucun président n'a été élu avant ce terme. Un vide constitutionnel dont se passeraient bien les Kenyans après l'incertitude de ces derniers mois. À moins, rêvent certains habitants désabusés, qu'un accord politique entre les deux camps ne vienne éclairer l'opinion. Et première réponse apportée à cette impasse politique, la Cour suprême a ordonné à la commission électorale d'inclure en troisième candidat, membre de la coalition de l'opposition, pour la reprise du scrutin présidentiel dans 2 semaines. Et c'est un nouvel élément au lendemain de la décision de l'opposant Raila Odinga d'abandonner la course. Entre-temps, des milliers de partisans de l'opposition sont réunis ce mercredi dans les centres-villes. Se sont réunis dans le centre-ville de Nairobi et ils comptent faire pression à la commission électorale qui, selon eux, ne veut pas inclure un troisième candidat membre de leur coalition. La Cour suprême a ordonné de nouvelles élections avec la participation de 3 candidats au lieu de 2 ayant obtenu des voix conséquentes. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndouaïo pour la mise en onde. Au micro, Jean-Bosco Ndouimana. Passez une très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.